L'homme à la moustache verte, écrit par Tristan Bernard, lu par Armen pour audiocité.net. Premier chapitre. Le petit Alcée est âgé de 10 ans. Il jouit d'un excellent renom dans le voisinage parce qu'il est gentil, tranquille, avenant, et surtout à cause de son joli visage et de ses fins cheveux blonds, qui le font ressembler à un jeune séraphin de chez le bon Dieu, détaché à l'école des garçons de la rue de Poissy. Le petit Alcée est l'unique enfant d'un bon vieux marchand de couleur alsacien, Monsieur Auguste Aufmerksam. Monsieur et Madame Aufmerksam adorent Alcée, et chaque année, au 24 décembre, c'est une joie pour eux de courir les bazars et les librairies afin de faire revivre, le lendemain matin, la légende du petit Noël que le petit Alcée écoute encore avec ses yeux ingénus et une charmante crédulité que n'a pu entamer encore l'impiété commandée des instituteurs primaires. Cette année, durant que Madame Aufmerksam gardait le magasin de couleurs, papa avait fait une bonne expédition dans Paris et revenait chargé de colis précieux. Une petite forge électrique, une réduction de machine à écraser les cailloux qui marchait par l'air comprimé, et 2 beaux livres reliés en percaline, nouveautés de l'année, voyage de 2 enfants bretons à travers l'Ukraine et les petits fabricants de fonte émaillée. Le soir venu, on conduit le petit Alcée à sa chambre. Il embrasse son papa et sa maman. « C'est ce soir, pa ? Pa ! Que vient le petit Noël ?» Papa regarde maman. « Viendra-t-il ? Le petit Alcée a-t-il été gentil ce mois-ci ? Enfin, on verra ça demain. » 1 heure plus tard, une ombre discrète comme feu tapinois lui-même entre doucement dans la chambre. Qui soulève la plaque de la cheminée? Mystère. Le petit Alcée dort paisiblement. Papa, car c'était peut-être bien lui, sort de la chambre. Puis on entend du bruit à côté. C'est papa et maman qui se couchent. Le bruit cesse. Papa et maman dorment. Alors, Alcée se lève à pas de loup, allume sa bougie, va jusqu'à la cheminée, soulève la plaque. Il fait un inventaire rapide. Les 2 bouquins, j'en aurai 40 sous-pièces au passage. La forge électrique, ça vaut 1 louis, j'en aurai facilement 4 francs en cette saison-ci. La machine à air comprimé, 2 francs. Total, 10 francs. Octavie II doit se balader dans le grand Staple de Pau. Je la ferai jouer à l'agence par le petit garçon du bar. Ça rapportera facilement dans les 5 ou 6. Se méditant, il prend les jouets et les livres et va les cacher dans un placard au fond d'un panier à linge sale. Comme la blanchisseuse n'est pas venue depuis 5 jours, il y a beaucoup de linge sale par-dessus. Avant de se mettre au lit, Alcée bourre une petite pipe et s'endort après quelques bonnes bouffées de caporal supérieur. Le lendemain, quand papa et maman entrèrent dans la chambre, un spectacle terrible s'offrit à leurs yeux. Alcée était étendu tout raide sur son lit, les paupières largement ouvertes, la bouche contractée. « Papa, maman, il s'est passé une chose épouvantable. Figurez-vous qu'un grand homme noir avec une moustache verte est venu dans la cheminée. Je l'ai vu, car la plaque s'est soulevée toute seule. Il avait des yeux qui lançaient des flammes. Il a pris toutes sortes de choses. » Et a disparu tout à coup. Monsieur et Madame Aufmerksam courent à la cheminée. Plus de jouets, plus de livres, rien que les 2 petits souliers. Une odeur de fumée, peut-être de pipe, se perçoit dans la chambre. Le petit Alcée était surtout navré d'avoir perdu ses jouets. Son père lui donne pour le consoler un beau louis d'or. Ce louis, joint au produit de la vente, lui permit de miser 30 francs sur Octavie II dans le steeple de Pau. D'ailleurs, Octavie II n'arriva pas, car le mensonge et la désobéissance sont toujours punis. Mais l'histoire de l'homme à la moustache verte, propagée avec effroi par monsieur et madame Aufmerksam, fait la terreur de tous les parents du quartier Saint-Victor.